En Corée, les maisons de repos des vétérans de guerre sont nouvellement construites dans les provinces du Pyongan du Sud et du Hamgyong du Nord. Les maisons de repos sont dotées des installations de services de diverses sortes, comme salles de traitement, salles d'exercice physique, piscines couvertes, salles de distraction et salles de coiffure, ainsi que les lieux de repos comme pavillons et lieux de pêche. Les cérémonies d'inauguration ont lieu le 3 mai.